France Culture, 14h, Culture Science. Aujourd'hui, Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, à 14h, sur France Culture, et toute la semaine, bien sûr, donc. Toujours dans direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, un continent, un pays, des animaux, nos cousins, puisque nous sommes des singes. Les animaux, c'est les bonobos. Le pays, ça va être le Zaïre, avec un fleuve, le ex-Zaïre, avec un fleuve immense. Et un voyageur qui est avec nous, invité aujourd'hui, Denis Béchard, pour ce livre qui est autant sur les animaux que sur les arbres, les forêts, l'eau qui coule, les fleuves, ainsi de suite. Mais, pour respecter nos habitudes, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière aujourd'hui, je retiens le chimpanzé. Tiens, le chimpanzé, oui. Dans ce long feuilleton des études éthologiques portant sur ce primate, comme l'on sait, les chimpanzés peuvent utiliser des pierres pour casser la coque des noix et en prélever la graine, façonner des brindilles spécialisées pour pêcher les termites au fond de la termitière ou encore pour récupérer du miel au fond d'une ruche. Mais la liste de la création d'artefacts par nos cousins ne s'arrête pas là. Les singes, les chimpanzés, savent aussi fabriquer des éponges, des feuilles d'éponge et de les utiliser pour boire. La chose avait été observée pour certains individus en captivité, peu de fois d'ailleurs. L'utilisation d'outils est différente selon les populations de chimpanzés. La transmission de cette compétence se fait entre les individus, ce qui sous-tend bien sûr la notion de culture à laquelle nous sommes bien habitués aujourd'hui concernant les chimpanzés. Mais pourquoi des éponges ? Les chimpanzés ne boivent pas très souvent car ils trouvent la plus grande partie de l'eau dont leur organisme a besoin dans les fruits les plus pulpeux qu'ils consomment. Ils boivent aussi directement à la surface d'un ruisseau ou bien ils trempent leurs mains et lèchent l'eau qui coule de leurs doigts. Mais en Ouganda, et pour la première fois, des chercheurs ont filmé des chimpanzés et ont analysé leur méthode pour fabriquer ces éponges. Ces primates utilisent donc des feuilles comme des éponges ou des cuillères pour boire de l'eau et ils les choisissent sélectivement. Ils froissent les feuilles dans leur bouche, puis ils les immergent. Ces feuilles froissées agissent donc alors comme une éponge et les animaux ainsi sucent l'eau hors des feuilles et répètent plusieurs fois ce processus. Ce comportement est spécialement observé là où l'eau est rare pendant certaines périodes de l'année et pour récolter l'eau dans les trous d'arbres profonds qui sont évidemment difficiles, très difficiles à atteindre directement avec la bouche. Ce nouveau geste s'est très rapidement propagé au sein du groupe étudié. Cela peut sembler insignifiant, mais les singes qu'on étudie habituellement ne font pas cela, précise une scientifique. Alors qu'elle était assise en train de filmer et d'observer les chimpanzés, cette dernière a assisté à la propagation du geste. C'était un formidable exemple d'apprentissage social que personne n'avait observé dans le milieu sauvage auparavant. Nous l'avions déjà remarqué sur des chimpanzés en captivité, comme je l'avais dit au début. Nous savions que cela existait dans le milieu sauvage, mais il nous manquait cette preuve finale. En fait, ces nouveaux comportements dérivent d'anciennes méthodes connues de fabrication d'éponges. La culture des chimpanzés évolue donc, entre guillemets, peu à peu, se construisant sur des savoirs déjà acquis. Thank you. Alors, vous êtes canadien, américain, vous êtes... Il faut qu'on vous présente. Québéco-américain. Francophone. Donc, quelle chance pour nous, hein, dans cette circonstance. Vous êtes, d'abord un voyageur, un amateur de cartes. Ça vous prend tout petit. Il faut quand même, là encore, qu'on continue à vous présenter. Vous aimez les cartes? Moi, j'aimais voyager. J'aimais les cartes, c'est certain. J'aimais surtout les histoires de voyage. Mon père était un grand voyageur. Même, faut dire que mon livre précédent était un peu autobiographique au sujet de comment mon père était braqueur de banque. Il braquait plus de 50 banques. Donc, c'était un voyageur qui venait d'un petit village au nord-est du Québec, un voyage d'environ 400 personnes. Et qui a passé plus d'une décennie à être voleur. Donc, à travers ces histoires, j'ai connu l'Amérique du Nord et j'avais envie d'aller plus loin. D'accord. Donc, on va dire que le papa, d'une certaine manière, était un peu prédateur à la façon du chimpanzé, qui font des excursions, voire punitives, voire meurtrières, hein, Il était très chimpanzé. Oui, mon père était forcément totalement chimpanzé. Et vous êtes tombé, vous, du côté du bonobo d'amour, là. Oui, je suis traître quand même, oui. Donc, pas de banque à votre actif, mais les grands voyages. Hein? Oui, j'ai pas encore fait des vols de banque, mais si jamais je manque de fonds pour écrire mon prochain livre, bon, je saurai comment le faire. Alors, on va commencer par aborder une figure, puisque c'est celle que vous présentez. Je vais vous laisser dire son nom avec un bon accent. Son prénom est Sue. Savage Rumba. Voilà. Sue Savage Rumba. Et elle a beaucoup, beaucoup... C'est une pionnière, hein, comme Jane Goodall et d'autres. Sauf que Jane Goodall était dans le monde sauvage, dans l'univers sauvage des animaux qu'elle étudiait. Là, c'était des bonobos qui étaient donc... en cage, d'une certaine façon, en tout cas. Oui, c'était des bonobos. Au début, les règles universitaires étaient moins strictes, dont les bonobos pouvaient vivre avec des êtres humains. Donc, c'était des bonobos qui étaient pris dans les forêts pluviales du Congo, qui étaient amenés aux États-Unis pour qu'elles puissent étudier leur capacité linguistique. Donc, au début, elle essayait d'enseigner comment communiquer avec des symboles. Donc, les bonobos avaient un clavier avec des symboles, et si les bonobos poussaient des symboles, il y avait une voix. Mais c'était des symboles abstraits. Il n'y avait pas abstrait. Il n'y avait pas une image de pomme pour dire pomme. C'était abstrait. Donc, les bonobos essayaient d'apprendre à parler anglais de cette façon, et ils n'arrivaient pas. Mais un jour, la mère d'un petit bébé bonobo qui s'appelait Kanzi a quitté la pièce. Et Kanzi était seul. Kanzi avait observé les expériences qui étaient faites avec sa mère pendant des années. Et d'un coup, Kanzi est monté sur la table avec le clavier et a commencé à parler avec des scientifiques. Il a appris l'anglais de la même façon que les bébés, que les jeunes humains apprennent l'anglais ou apprennent la langue. Donc, il s'est comme mis à dire les choses qui sont importantes pour les bonobos. Il disait ce qu'il voulait manger. Et il a eu toute une discussion avec les scientifiques sur ce qu'il aimait manger la nuit ou le matin, etc. Et il a fait plus que ça, il a fait presque un début de syntaxe, hein, puisqu'il voulait manger de la pizza. Alors il a fait voir tomate, il a dit tomate, dans sa main, enfin, c'est un petit Einstein, hein, ce Kanzi-là. Il a dit, ensuite, il a dit pain. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Qu'est-ce qu'il mange? Fromage. Fromage, c'est ça. Et donc, il s'est fait servir une petite pizza. Il y avait même c'est ça, exactement, c'était syntaxe. Il y avait même une inondation proche d'eux, et puis il avait dit, il y a de grands eaux. Donc, c'était sa façon de dire inondation, déluge. Vous dites, c'est très joliment écrit d'ailleurs, vous dites, les photos des bonobos me firent une forte impression. Ils ont une peau noire lustrée et des lèvres rouges. Un pelage noir, proprement séparé au milieu du crâne, qui encadre de larges favoris. Et contrairement aux chiens, dites-vous, dont le regard est souvent agressif et méfiant, les yeux des bonobos semblent à la fois, alors les adjectifs sont tout à fait étonnants, curieux et contemplatifs. Absolument. Ils vous regardent vraiment dans les yeux? Oui, vraiment dans les yeux. Et c'est un regard... disons, je peux pas dire sans méfiance, parce que quand même, si on est dans la forêt, ils savent pas si mes intentions sont bonnes, mais c'est la curiosité c'est pas de savoir ce que je suis, mais qui je suis. Oui. Donc, ils me regardent, ils m'ont regardé comme s'ils étaient curieux de savoir quelle sorte de personne j'étais et ce que je faisais là et quelles étaient mes intentions. Oui. Et alors là, on s'est rendu compte qu'il était capable d'avoir un vocabulaire extrêmement développé, hein, ce Kanzi. Vraiment, mais c'est ça, Kanzi, c'est un bonobo extrêmement intelligent. Si Sue Savage Rumba lui disait, prends la chemise et mets-la dans le frigo, parce que Kanzi prenait la, il savait comment prendre, il prenait la chemise puis le mettait dans le frigo. C'était parce qu'il essayait d'avoir des discussions pour tester ses capacités linguistiques qui étaient illogiques. Mettre une chemise dans son frigo, c'est pas logique, c'est pas nécessaire. Et Kanzi comprenait quand même, il le faisait. Et même, pour expliquer, il y avait une histoire qu'il m'avait racontée quand j'étais à la sanctuaire, que quand ils étaient en train de construire la sanctuaire pour les bonobos regardaient beaucoup de films. Et un de leurs films préférés, c'était Chant des rêves. Donc, ils regardaient toute la journée Chant des rêves, tu sais, une fois après autre, tu sais, mettons trois fois par jour. Et à un moment donné, un des bonobos avait demandé à Sue Savage Rumba, pourquoi est-ce qu'on construit le sanctuaire? Elle avait dit, si on construit une nouvelle sanctuaire, il y a plus de bonobos qui vont venir. Et tous les bonobos étaient super contents, ils criaient, ils hurlaient, ils étaient heureux. Et Sue Savage Rumba leur a demandé, mais pourquoi vous êtes si heureux? Et les bonobos avaient expliqué, c'est comme dans Champ des rêves. Si on construit le champ de baseball, les joueurs vont venir. Donc, c'est quand même, ils ont vraiment une capacité linguistique assez élevée. Oui, et alors, elle a une position que je trouve tout à fait intéressante, cette Sue Savage. Elle dit, sur le plan de l'autonomie, de la génétique et de la personnalité, c'est ce qui ressemble le plus aux humains. C'est vrai que les chimpanzés sont encore une fois territoriaux, violents, avec des mâles dominants. On va voir que la société, comme on le sait, des bonobos est tout à fait différente et elle est absolument matriarcale, avec des matriarches d'autorité. Et elle dit que ça peut être intéressant de deux points de vue d'étudier les bonobos, puisque ça montre quelque chose qui peut être un auxiliaire de notre raisonnement ou de notre réflexion, de nos études sur l'origine de l'humanité, puisque la séparation, l'homme est là depuis 300 000 ans, c'est d'une certaine manière très très peu. Et ça peut aussi nous aider à voir ce qu'on pourrait devenir, puisque d'un côté il y a ces singes très violents, et puis eux qui sont des singes comme des singes d'amour, pour aller vite, hein, pour signifier la chose, et elle a cette formule, elle dit, on pourrait peut-être prendre des leçons pour devenir, nous, des singes divins. C'est ça, absolument. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle a posé... il y a plusieurs personnes qui ont travaillé avec des bonobos qui ont posé cette question, c'est comment est-ce que les bonobos, en premier lieu, sont devenus matriarcaux? Comment est-ce que c'est possible qu'un grand singe n'est pas... Il y a un groupe de grands singes où les mâles ne dominent pas, parce que les chimpanzés, ils font la guerre, les mâles dominent toutes les femelles, tandis que chez les bonobos, même si le mâle qui est plus haut placé dans la hiérarchie attaque la femelle qui est plus bas dans la hiérarchie, toutes les femelles vont le protéger, vont protéger l'autre femelle et vont battre le mâle. Oui. Donc, ils se sont posé cette question, et les réponses qu'ils ont trouvées, ça nous montre, il nous montre beaucoup ce qu'on peut, il nous montre ce qu'on pourrait faire pour quand même changer notre propre espèce. Arrêter de cette agressivité permanente qu'on a. Parce que il y a des groupes langagiers avec des cultures, ils sont côte à côte et ils n'ont qu'un souci, c'est de se foutre sur la gueule, quoi, d'une certaine manière. Hein, voilà. C'est ça, c'est que, mettons, deux groupes de chimpanzés s'ils se rencontrent dans la forêt, ils vont faire la guerre. C'est deux groupes de bonobos qui se rencontrent dans la forêt, ils vont faire une orgie. Donc, il y a quand même ce côté sexuel où ils vont résoudre tous leurs problèmes en faisant l'amour. Mais aussi la question de leur évolution, et c'est que les bonobos ont évolué dans une région où il n'y avait pas de concurrence avec d'autres grands singes. Oui. Il n'y avait pas de concurrence avec d'autres espèces, tandis que les chimpanzés ont évolué dans une région où il y avait beaucoup de concurrence et un mâle agressif qui tuait les autres mâles, il avait une valeur pour l'espèce. Donc, il y avait des bénéfices pour les autres chimpanzés de garder ces mâles agressifs, tandis que chez les bonobos, il n'y avait aucun bénéfice et les femelles se sont mises en coalition et ont commencé à refuser de se reproduire avec les mâles agressifs. Ouais. Donc, ce qu'on peut prendre en tant que race humaine, en tant qu'espèce, c'est si les femelles arrêtent de se reproduire avec des mâles agressifs, dans quelques générations, on va déjà voir un changement. On va tout de suite, parce que on dirait que le but des bonobos, c'est des femelles bonobos, c'était que s'il n'y a plus de mâles agressifs, il n'y a plus de violence contre les enfants. Et donc, tous les enfants reçoivent les mêmes bénéfices, parce que les mâles vont toujours vouloir protéger les leurs et tuer les enfants des autres chez les chimpanzés. Donc, l'infanticide est très répandu chez les primates, même. Très répandu hein. Chez les êtres humains, chez les gorilles. Donc, les bonobos, c'est le seul grand singe où on n'a pas vu un meurtre. Donc, c'est vraiment là qu'on peut se dire si les femelles ou humaines se mettent en coalition et puis arrêtent de se reproduire avec des mâles agressifs, déjà, on a appris quelque chose. Il y a des malices en particulier chez certains babouins qui est justement pour rompre le fait, parce que dès qu'un mâle devient dominant, c'est pareil pour les lions, c'est même paraît-il pareil pour les écureuils. Enfin, il y a beaucoup d'animaux qui pratiquent l'infanticide dès que un mâle arrive et que devient le mâle alpha. Absolument. Et donc là, il tue les petits, donc pour accélérer le strus que va connaître la femelle. Et les femelles ont des comportements d'adultère. D'ailleurs, ça s'est vu avec les chimpanzés pour troubler aussi, hein, pour montrer que là, le père devient un peu indistinct. C'est Mais ça n'est qu'un début. Ça n'est qu'un début. Alors que là, c'est complètement acquis avec les bonobos. Hein. Oui, les bonobos, selon notre compréhension, les mâles ne savent pas. Ils n'ont aucune notion de paternité. Ils n'arrivent pas à identifier le père des enfants. Celui-là, ce n'est pas mon fils. Je ne sais pas, c'est un enfant. C'est ça. Et alors, ce qui arrive, c'est que tous les mâles bonobos vont protéger tous les enfants, toutes les femelles vont protéger tous les enfants, dont les enfants sont vraiment bien, bien protégés, plus que chez les autres grands singes. Alors, elle dit une chose aussi tout à fait étonnante. Hein. Après, on viendra à vos propos, mais je continue à la citer, puisque vous la citez dans le livre, hein, pour installer votre propos. Toujours cette sous-savage, elle dit « Les bonobos possèdent presque un sixième sens. Ils ont conscience de leur interconnexion. Quand on comprendra cela scientifiquement, poursuit-elle, on saura pourquoi on dit que les humains ont des antennes. Parce que on a peut-être là le moyen de développer des antennes encore plus importantes, puisque... les bonobos ont conscience de façon très forte de leur interconnexion. C'est ça. C'est incroyable, hein. C'est exactement ça qu'elle expliquait. C'est difficile d'évaluer en tant qu'être humain parce que sûrement, je pense qu'elle a raison qu'on a des antennes, on ressent beaucoup, mais que on n'a pas une culture qui nous permet de discuter cette connexion, cette interconnexion. Donc elle, en étudiant les bonobos, elle arrive à voir un aspect de quelque chose qui existe chez nous, mais qu'on ne discute pas, mais qui est essentiel pour eux. Écartement linguistique, dit-elle, hein, oui, pour ce que vous êtes en train de dire, Denis Béchard. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Suite donc de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Denis Béchard et les propos de ses voyages et de son livre, ce livre intitulé « Des bonobos et des hommes ». Alors on va partir là maintenant en voyage, d'abord parce que je crois que le titre souligne d'une certaine manière, de la façon la plus abréviative, ce qui fait le propos de votre ouvrage, Denis Béchard. C'est pas strictement un livre seulement sur les bonobos, comme on peut le lire souvent. Par exemple, celui qui a écrit parmi les plus beaux livres sur les bonobos, il a découvert beaucoup de choses, c'est Franz de Waal, bien sûr. C'est un livre qui est sur les bonobos, mais ce qu'il y a autour des bonobos. C'est ça. Et par ordre, on va évidemment rencontrer les hommes, mais avant, vous décrivez même la géologie. Vous commencez par faire presque un cours de géologie. Vous expliquez ce que sont que les territoires avec des fleuves et des forêts fluviales. Le Congo est un fleuve immense, parce que vous faites la liste à un moment de ceux qui concourent. Hein. C'est invraisemblable. Et puis en plus, il y a une situation, je vais vous la laisser raconter, c'est que c'est formé... il y a une formation dans ce pays absolument gigantesque qui est très ancienne. Oui. Et très longtemps... les fleuves n'ont pas trouvé d'issue jusqu'aux océans. C'est ça, exactement. Il y a même des théories qui disent que pendant longtemps, le Congo était peut-être un lac immense qui finalement a creusé un trou pour avoir issue à l'océan. Mais si on regarde le Congo, c'est un craton. C'est une des parties de la Terre le plus ancien qui date de la création des continents. Donc c'est très profondément ancré dans la Terre. C'est ça. Donc il y a beaucoup de minéraux. C'est très, très riche, parce que c'est là depuis très longtemps, il y a beaucoup de diamants, mais aussi c'est très lourd et ça fait un bassin qui ne bouge pas avec les changements tectoniques des plaques. C'est ça. Donc ça reste pareil depuis des millions d'années. C'est ça. Et craton, ça s'écrit vraiment C-R-A-T-O-N, et puis si on le met au pluriel, c'est avec un S, quoi. Et donc c'est une couche géologique particulièrement importante. Après, pour finir, simplement, là encore pour situer rapidement, on sait évidemment d'abord que l'Inde s'est séparée à l'ouest du continent africain et a été frappée le continent asiatique et a fait la surrection d'Himalaya, et puis il est monté aussi ce continent africain, mais là ça touche pas vos cratons, en direction donc plein nord, et donc là cette fois c'est tout autre chose, avec cette zone méditerranéenne extrêmement volcanique et surtout extrêmement susceptible de séisme. Alors, première image, en quelques mots, vous arrivez à Kinshasa. Pour moi, je ne connais pas cette ville africaine. Elle me fait un peu peur par son désordre. D'abord, c'est un pays qui a été, on y reviendra bien sûr, rapidement, mais on y reviendra. Mais frappé par la guerre, sous le boisseau d'un dictateur absolument terrible, après les flamboyances et les errances de Lumumba, hein, le révolutionnaire qui a été tué, bon, la colonisation belge, ainsi de suite. Et j'imagine Kinshasa comme un grouillement intense, mais un peu effrayant. Je ne l'ai pas trouvé effrayant personnellement, mais peut-être j'ai trop passé de temps dans des villes comme ça pour bien évaluer ce qui est effrayant. J'ai trouvé les Kinois, les gens de Kinshasa très très chaleureux en général, curieux. C'est certain qu'il y a des problèmes avec la police, il faut toujours faire attention, la police faut toujours arrêter des gens, demander l'argent, ça arrive, mais ça m'est arrivé aussi que la police me parle de la poésie. Donc il faut dire que ce sont des êtres humains qui essaie de survivre, et personnellement, je ne me suis pas senti en danger. J'ai beaucoup marché à Kinshasa, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc, mais c'est une ville immense, d'environ 7 millions de personnes, ouais, et les gens ne sont pas d'accord sur les chiffres, parce que c'est très difficile à compter, avec tous les gens qui quittent les provinces pour s'y rendre. Mais c'est gigantesque et c'est très très pauvre. Les gens gagnent très peu d'argent, il y a beaucoup de maladies, la religion pentecôte des États-Unis, maintenant c'est parpillé partout, puis c'est mélangé avec des traditions africaines, donc les gens essaient de se soigner de leurs maladies en allant à l'église. Les gens souvent mangent un repas par jour, les familles avec qui j'ai parlé disaient que les parents mangeaient un repas un jour et les enfants mangeaient le lendemain. Ouais. Donc c'est quand même une pauvreté extrême et tout est très cher. C'est une des villes plus chères où j'ai vécu, parce que il y a tellement de demandes, il y a tellement peu à manger que pour qu'il y ait assez à manger pour les riches, il faut garder les prix très élevés. Alors, petite présentation si vous voulez, Denis Béchard, puisque là vous allez rentrer en contact avec des gens donc d'une initiative nationale, hein, donc c'est pas un travail fait par des étrangers ou des organismes ou des sociétés étrangères, hein, de qui s'occupent donc de la sauvegarde, de la préservation de ces singes graciles que sont les bonobos. Vous êtes en contact avec une association qui s'appelle BCI. Oui, en anglais, c'est le Bonobo Conservation Initiative. Donc, c'est deux Américains qui ont commencé un tout petit organisme, qu'ils ont fait un partenariat avec des Congolais. Donc, au tout début, c'était une femme américaine avec quelques Congolais qui travaillaient ensemble pour essayer de protéger les bonobos. Parce que pendant les deux guerres au Congo, il y avait des millions de personnes qui n'avaient rien mangé. Il y avait plus de 4 millions de personnes qui sont mortes, surtout les maladies de la famine. Donc, avec les guerres plus proches de Rwanda, avec les réfugiés qui partaient vers l'Ouest, avec la guerre civile, une situation extrêmement délicate déjà. Et ce qui s'était passé, c'est que des soldats de tous les côtés ont fait une occupation. Et donc, les soldats, ils vivaient des villageois, ils mangeaient leur nourriture et tuaient leur bétail, ils violaient leurs femmes, souvent, dont les villageois sont partis dans les forêts pour survivre. Et les villageois ont vécu de la viande de brousse, mais à un moment donné, il y avait plus d'antelopes, plus de buffles. Ce qu'ils mangeaient normalement était disparu parce que les gens vivaient de cela et les soldats en achetaient en plus. Donc les gens ont commencé à tuer les grands singes et tuer les bonobos. Donc la population des bonobos était beaucoup diminuée pendant la guerre, mais les forêts étaient quand même assez préservées. Et parce que l'industrie de bois a été freinée par la guerre. Donc, BCI et leurs amis congolais, leurs partenaires congolais voulaient protéger les bonobos et protéger les forêts tout de suite après la guerre, avant que les grandes compagnies d'exploitation de bois arrivent à revenir. Là, comment ils s'appellent? Parce qu'ils sont mariés et femmes, elles s'appellent Sally. Sally et Michael, c'est ça. Ouais. Quelle étonnante femme, hein? Comment? Quelle étonnante femme. Ah, quelle étonnante femme, absolument. C'est une femme qui a décidé très jeune, qu'elle allait dans la vingtaine, qu'elle allait travailler avec des bonobos, qui a travaillé avec Susie Savage Rumbaugh, qui a cherché comment protéger les bonobos et qui est allée au Congo toute seule pendant la guerre avec très peu d'argent. Et les Congolais me disaient, c'était bizarre de rencontrer une Américaine qui n'avait pas d'argent, qui était là pendant la guerre. Les gens pensaient qu'elle travaillait pour le CIA parce qu'ils se disaient, mais que c'est pas normal, un Américain qui n'a pas d'argent, qui demande l'aide à Kinshasa pendant la guerre. Alors évidemment, il y a un rôle extrêmement important. Là, tout ça va se passer puisque on va arriver, vous allez raconter en quelques mots, mais avec des détails qui sont d'importance, votre voyage où vous allez retrouver donc cette réserve. Hein. Mais vous dites encore une fois qu'il y a un lieu absolument privilégié, qui est donc un bon endroit de réserve naturelle. C'est dans les boucles de que on les trouve. En tout cas, c'était le cas de la localisation de ce lieu de sauvegarde. Et dans les boucles de ces forêts fluviales. Oui. Parce que la végétation est intense, dense, pas abîmée, là encore, par l'industrie, par le défrichement pour faire de l'huile de palme ou je ne sais pas quelle saloperie. Donc, alors, en quelques mots, juste avant notre petite pause musicale, Denis Béchard, comment ça s'est passé? Parce que, reprenons quelques étapes. Vous partez de Kinshasa et puis vous allez aller jusqu'à Djolou. Par exemple. Oui. Donc on a quitté Kinshasa en avion pour Bandaka. Bandaka, c'est la capitale d'Équateur, de province Équateur. Et après ça, la moitié de l'équipe est partie en pirogue motorisée 2 semaines sur des rivières pour se rendre à la réserve. Et nous, on a pris un petit avion de brousse qui a atterri dans un champ dans la forêt. Et donc c'est très loin de Kinshasa. C'est dans les grandes forêts. Et puis on fait je pense que c'était 5-6 heures sur une autoroute nationale qui est un petit chemin de terre pour se rendre à la réserve. Oui. Et ensuite, évidemment, à tous les instants, Sally respecte un principe que vous spécifiez à la fin. Oui. C'est une attention extrême aux propos. Elle écoute tout le monde. Oui, absolument. Très attentivement. C'est une de ces règles, c'est que la pauvreté n'égale pas l'ignorance. Ce qui surtout, on va dire peut-être c'est évident, mais quand on regarde les ONG de la conservation, les ONG humanitaires, qui viennent de l'Ouest, travaillent en Afrique, souvent ils préparent tous leurs projets à l'étranger. Ils vont les exporter dans ces pays et obliger les gens de suivre des règles qui n'ont aucun sens pour eux. Tandis que Sally allait vraiment juste pour apprendre au début. Et disait aux Congolais, c'est vous qui connaissez vos forêts, moi j'en sais rien, est-ce que vous pouvez m'enseigner? Et les Congolais me disaient, c'était la première fois de leur vie qu'un blanc leur avait posé des questions et qui est à écouter. Ne pas confondre pauvreté et ignorance. Vous dites quelque chose de drôle d'ailleurs dans ces règles de la conservation virale, vous dites que les formalités ne sont pas des empêchements, mais des signes de stabilité sociale. C'est ça. Alors qu'on est vraiment emmerdé quand on prend le bus, hein, et qu'on passe une frontière en Afrique. Ah oui, c'est ouais, ça. Hein. Et surtout quand on est en... Le bakchich, et ainsi de suite, il y a toujours un truc qui va pas et on nous raconte pas de poésie toujours. Hein. Non, ça c'est certain. Mais Sally, ce qu'il me disait, mais ce que j'ai vu quand j'étais avec eux, c'est qu'il arrêtait dans beaucoup de villages. Et puis le chef de village qui veut discuter leur projet, et donc ça dure très longtemps. Et j'ai déjà été avec des autres travailleurs en Afrique qui vont aller faire un projet, qui vont ignorer tous les chefs locaux, qui vont passer direct arriver à leur projet. Et là, elle arrive et dit, on va faire tel et tel projet. Et le chef qui est là va dire, mais non, tout le monde vous aime pas parce que vous ignorez les règles de la région. C'est ça. Et d'un coup, on a déjà un conflit avant de commencer un projet. Mais BCI disait comme règle, on parle à tout le monde. Voilà une région sans téléphone cellulaire, sans radio, sans télévision. Si BCI arrête à chaque village et raconte leur projet, le chef, les gens en parlent, tout le monde va discuter le projet. Après, 1000 personnes vont apprendre. Après chaque discussion avec un chef, il y a environ 1000 personnes qui vont apprendre en discutant ce que le chef a entendu. Le chef va se sentir respecté. Donc, imaginez arrêter dans 25 villages au cours d'un projet. Là, on a l'appui de toutes les communautés faire le projet. Donc, c'est très, très... Il se rend compte qu'en Afrique, où il y a tellement de déplacements, de guerres, s'il y a un chef tribal qui reste, ça veut dire que la société est intacte, qu'il y a une fondation sur laquelle construire un projet. J'ai vu exactement les mêmes règles adoptées par des gens intelligents pour essayer de préserver la réserve du Nyokonokuba au Sénégal. Ah oui. Et évidemment, pour que la chose se passe bien, il faut la complète complicité. C'est ça. Et on verra de quel type elle est, en tout cas pour les bonobos, mais la complète complicité des gens qui vivent alentour. Parce que une manière, quand on n'a rien à mettre dans la casserole, eh ben c'est de braconner. Alors, ça correspond exactement au principe que vous avez dit. Ne pas présumer que l'on est digne de confiance quand on arrive. Oui. Ne pas humilier les gens, les étudiants. C'est comme ça. Si c'était des bêtes sauvages. Exactement. Hein. Et il y a encore plus curieux, c'est ne jamais, ou plus exactement, faire attention à la personne qui est la plus humble. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est que, mettons, il y avait un accident à un moment donné où un des hommes d'équipage sur le bateau a été frappé par un motocycle. Et quand Bessie a appelé un médecin à Kinshasa, le médecin a dit, mais est-ce que cet homme qui est blessé, gravement blessé d'ailleurs, est-ce qu'il est nécessaire pour votre projet? Parce que ça va être très cher de le ramener à Kinshasa et d'essayer de le guérir. Hein. 1 000 $. Plus que 1 000. Ils ont dit que ça va être très, ça je pense, ça a coûté 3 000 $ juste pour le sortir. Donc, Bessie a insisté sur le fait qu'ils allaient le guérir, même si c'était pas un membre de leur équipe essentiel. Ils ont dit, on est une famille, on aide tous les gens qui travaillent avec nous. Mais ce que ça a fait, c'était que quand ce gars était guéri, puis il est retourné à Bandaka, tous les Congolais se voient comme être de la parenté. Ce gars, il avait des vingtaines de cousins, il parlait avec tout le monde, et les gens disaient, c'est incroyable. Il y a des Blancs qui font vraiment attention à nous, qui vont vraiment faire un effort de protéger les moins importants. Et d'un coup, BCI a vu que les Congolais faisaient tout possible pour les aider. Que si BCI avait un problème, les gens faisaient tout possible pour appuyer BCI dans ses projets. Donc, leur logique, c'était, on va prendre soin des gens qui nous entourent et eux, ils vont prendre soin de nous. Voilà largement passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Denis Béchard, autour des bonobos et en train de marcher. Il ne fait pas très très chaud hein, dans la région équateur, dans la province de l'Équateur. Non, c'est une trentaine de degrés. Oui, c'était confortable. Oui, le couvert forestier doit jouer là-dessus, oui, évidemment. Hein. Oui, c'était une température assez plaisante. Alors on va abréger, on va aller vite, parce qu'on pourrait parler des pirogues attachées ensemble, les aventures, enfin bon, bref, c'est aussi un livre d'aventure. Et vous voilà, vous, Denis Béchard, enfin arrivé dans cet endroit qui s'appelle Kokolopori. Kokolopori. C'est joli, Kokolopori. Oui, ça veut dire la source de la rivière Lopori. Et alors, la première chose la plus importante, c'est que les gens qui vivent là, c'est un groupe ethnique, dont vous allez dire le nom, parce qu'il est un peu compliqué pour moi. Ah, c'est le Bangandu. Voilà. Eh bien, ce sont des non-chasseurs. C'est des chasseurs, mais ils ne chassent pas les bonobos. Voilà, le bonobo est sacré. Oui, le bonobo, il le voit plutôt comme un cousin, comme... Un ancêtre. Un ancêtre qui s'est fui dans la forêt, qui est pas loin des êtres humains, dont de le manger, ça serait quand même interdit. Ils ont beaucoup d'histoires de bonobos, des enfants qui se sont perdus dans la forêt, les bonobos qui les ont aidés à revenir à au village. Il y a une histoire d'un homme qui est monté dans un arbre pour chercher du miel, qui a perdu sa corde, et puis un bonobo qui l'a aidé à descendre. Et après ça, l'homme a fait la paix entre le village et les bonobos. Puis une autre histoire d'un homme qui a quitté sa femme et qui est parti, et puis un bonobo qui a pris sa place dans la maison pour élever la famille. Ce qui est de toute façon étonnant, c'est en particulier le fait qu'ils ont, les bonobos, un grand soin des autres, oui. En particulier pour les blessures. Alors, il y a un premier détail. Quand vous arrivez à proximité la première fois avec Sally, il y a une règle que... Elles ont toujours des vraies malices. Je crois que les femmes ont vraiment révolutionné la primatologie. Absolument. Hein? Oui. Les mecs ne voyaient que les mâles alpha en train de se bagarrer. Et alors que là, évidemment, c'est le triomphe au contraire de la diplomatie et de l'alliance. Oui. Et donc, c'était évidemment sous la pertinence du regard plus tendre et plus attentif, là, des primatologues femmes. Et quand vous arrivez donc au plus près de l'endroit où vous allez voir vos premiers bonobos, c'est le petit déjeuner, oui. Et elle vous contraint manger ensemble. C'est ça, parce que Sally, elle nous a dit, si on arrive avec nos appareils photo, puis on suit les bonobos, puis on prend des photos, on est ici pour... On va les aliéner un peu. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose que eux, ils vont comprendre et qui va les rendre curieux de nous regarder. Et chez les bonobos, le partage de nourriture est extrêmement important. On voit l'hiérarchie, on voit la femelle dominante qui partage la nourriture avec les autres. Donc Sally a commencé à partager la nourriture avec nous. Elle sortait des choses à manger, puis nous donnait des choses à manger. Et les bonobos sont tout de suite, toute la canopée est devenue silencieuse immédiatement. Et les bonobos sont descendus pour nous regarder, pour voir... Comment est-ce qu'on partage la nourriture? C'était qui la dominante? Souvent, ils ont vu c'était une femme. OK, ça va, il n'y a pas de problème. Ces êtres humains sont pas mal. Et puis, on mangeait et les bonobos... Quand j'étais, mettons, avec Candy, tout ce qu'ils voulaient discuter, c'était la nourriture. Donc, les bonobos sont descendus pour voir ce qu'on mangeait. Oui. Et en plus, il y a un autre détail qui fait que leur mode de vie, leur éthos, en tout cas, est très, très différent parce que, par rapport aux chimpanzés, parce que les chimpanzés sont obligés de faire des très grandes marches et ils se divisent. Oui. La communauté se divise, pour que chacun puisse trouver, si on reste concentré. Les bonobos ont une alimentation beaucoup plus variée. C'est ça, beaucoup plus varié. Ils mangent ce que les chimpanzés mangent et ce que les gorilles mangent aussi. Tandis que au nord du fleuve Congo, les chimpanzés et les gorilles vivent dans les mêmes territoires en général. Et les gorilles vont manger beaucoup de ce qui est végétaux, de ce qui est beaucoup de protéines, et ils en mangent vraiment beaucoup. Tandis que les chimpanzés ne peuvent pas faire concurrence pour cette nourriture, donc ils vont aller chercher des fruits, ils vont faire plus de chasse. Donc les bonobos font un peu de tout, et ils ne sont pas obligés de s'éparpiller autant. Ils peuvent rester en groupe et manger toute la journée. Oui. Donc c'est les femmes, évidemment, les femelles, pardon, qui dirigent ces sociétés, ces groupes. Et évidemment, il y a un moment, ils sont parfaitement intégrés, hein, il y a une règle d'inceste très fort, oui. Puisque de toute façon, il faut qu'il y ait des appariements qui soient exogamiques, hein, autrement il y aurait des problèmes de génétique. Donc ça, tous les primates, en particulier évidemment les primates supérieurs, le pratiquent. Oui. C'est-à-dire que dans le cas des bonobos, les adolescentes s'en vont. Oui, les filles. Les adolescentes, c'est ça. Parce que les petits mâles, ils restent toujours avec leur maman. C'est ça. C'est ça. Au zoo, aux États-Unis, quand il y avait les premiers bonobos qui sont arrivés, les gens qui géraient les zoos ne comprenaient pas la culture bonobo. Donc, ils faisaient comme ils faisaient avec les chimpanzés. Ils enlevaient le jeune mâle et puis l'envoyaient à notre zoo. Et les jeunes mâles arrivaient et puis se faisaient battre constamment par les femelles bonobos. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'était que la structure sociale protège les mâles. Un mâle n'a aucun pouvoir sans sa maman. Donc, il a besoin d'être protégé par sa maman. Donc, si on enlève le mâle et on va ailleurs, les femelles vont le mettre tout en bas de la hiérarchie et il va avoir aucun pouvoir, aucune protection. Tandis que les chimpanzés, c'est l'inverse. Bien sûr. Donc, les scientifiques avaient compris qu'il fallait quand même respecter la structure sociale parce que c'est la structure sociale qui fait la paix chez eux. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu apparenté, c'est pas toujours aussi rigide chez les chimpanzés, mais je vais revenir au bonobo. Un chimpanzé qui veut changer de groupe, il va toujours avoir la technique de se mettre en bordure d'un clan et d'essayer d'attirer l'attention d'une femelle. Il va rentrer dans le club par les femmes. C'est exactement ce qui se passe pour les bonobos. L'adolescente arrive et généralement, elle va choisir une femelle âgée, elle va essayer de retenir son attention, elle va la regarder beaucoup. Ils ont un regard de... À plusieurs fois, on comprend, hein, et même en regardant les photos, c'est même saisissant de voir l'intensité de curiosité qu'il y a dans le regard de bonobo. Oui, c'est... Mais une intensité de curiosité. Ils sont totalement allumés. Parfois, j'ai montré des photos à des amis qui ne me croyaient pas. Elles me disaient, mais c'est rare que je vois un être humain qui a l'air aussi allumé que ça. Ils ont tellement l'air curieux et connectés avec la vie. C'est impressionnant. Ouais. Alors voilà cette petite adolescente donc qui est en train d'essayer de faire du charme et de faire connaissance avec cette matriarche. Et puis elle va finir par lui faire quelques petits cadeaux. Elle va finir par lui faire aussi quelques petits épouillages. C'est ça. Et puis un beau jour, il va se passer quelque chose que nous allons nommer Oka Oka, on va le dire, hein, parce que généralement, avec une espèce de puritanisme de langage, les zoologues, voire donc les spécialistes primatologues parlent de la position du missionnaire quand deux femelles se réunissent. Je vais décrire très exactement pour qu'on voit exactement ce qui se passe. Et c'est désigné. Hein. Je pourrais vous demander de le lire avec votre joli accent. Allez, mais je le lirai peut-être plus vite. Et puis voilà, c'est vous qui l'avez écrit. Voici donc le Hoka Hoka. Je suppose qu'il y a un H aspiré avant. En parlant des femelles, donc, le mouvement de leurs hanches est rapide, de droite à gauche. Et elles unissent leurs organes sexuels les plus sensibles, leur clitoris. Le clitoris des bonobos semble de grande taille comparé à celui des femmes ou des autres femelles hominidées. Et il est situé plus haut sur le ventre que celui des femelles chimpanzés. Kano, le spécialiste japonais, est d'avis que l'endroit où se trouve l'organe, de même que sa taille, ont évolué de manière à procurer un hoka hoka agréable, lequel se conclut généralement par des cris mutuels, des membres qui s'agrippent, des contractions musculaires suivies d'un moment de tension immobile. Le tout ressemble à un orgasme. Donc il joue vraiment l'apaisement social, l'amour, le plaisir. Oui, absolument. Les liens sont forgés à partir pour l'adolescente qui arrive. On pourrait dire que elle va flirter au début avec une femelle qui est plus haut, qui est bien placée dans l'hiérarchie. Après ça, on va avoir une petite histoire romantique entre les deux, de faire des cadeaux. Ils vont avoir des moments de hoka hoka. Mm-hmm. Et après ça, l'adolescente va entrer dans le clan. Ça c'est un peu comme ça que ça arrive. Mais après ça, si jamais il y a des conflits, s'il y a des conflits entre des mâles, entre des femelles, au moment où un chimpanzé deviendrait peut-être très violent, les bonobos vont faire l'amour, ils vont se donner du plaisir d'une façon ou d'autre. Souvent, il n'y a pas d'orgasme, souvent, quand ils se touchent juste pour se rapprocher, juste pour se stimuler ou s'apaiser, mais ils le font assez souvent quand il y a un conflit. Alors évidemment, il y a une question qui est une question pendante, très intéressante d'ailleurs, c'est savoir si les primates supérieurs, en particulier les bonobos et les chimpanzés, ont une théorie de l'esprit. Donc, qui est, par exemple, et c'est le test qu'on peut essayer d'utiliser, de mentir délibérément. Alors évidemment, il y a des tromperies. Chez les chimpanzés en particulier, oui, on peut planquer. Oui, hein? Ils sont très manipulateurs. ils vont faire des plans pour supplanter, pour faire chuter leur chef de clan, parce que les mâles sont toujours en train d'essayer d'avoir... De faire les patrons. C'est ça. Et donc, ils vont faire des alliances, et ce que les mâles vont faire, l'alpha, il va casser les alliances, il va rompre les alliances tout de suite. S'il voit trois chimpanzés qui sont en train de devenir amis, il va les attaquer pour les empêcher de se rapprocher, parce que s'il y a une alliance qui se fait, ça peut lui faire mal. Donc, les chimpanzés sont toujours en train de manipuler d'une certaine façon pour avoir du pouvoir, tandis que chez les bonobos, on le voit plus, mettons, dans les bonobos qui vivent parmi les êtres humains. Peut-être s'ils avaient mangé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû manger, s'ils avaient fait quelque chose qui est interdit, ils vont mentir. Ils vont donner l'impression qu'ils l'ont pas fait. Et ça, on voit que selon les études que j'ai lues, les scientifiques voient dans de leurs gestes et de leurs yeux qu'il y a un mensonge et que le bonobo essaie d'éviter d'avoir honte. Il raconte des salades, donc. Et cela dit, il y a une telle pratique de partage, comme vous le soulignez tout à l'heure, Denis Béchard. Hein. Tout le monde se met ensemble, la femelle distribue, ainsi de suite. Vous avez une très très belle image, ils vivent très haut dans la canopée. Oui. Comme les chimpanzés, ils font leur nid. Oui. Bon, j'ai vu des nids de chimpanzés, c'est absolument extraordinaire, puisqu'on recommence tous les soirs. Et vous avez à un moment une très jolie formule, puisqu'ils sont très hauts, à des hauteurs de 30 mètres, oui. Dans cette canopée. Ils sont comme nous, ils sont frileux, et le matin, ils ont besoin de se réchauffer un petit peu. On est homéotherme, mais on devient un petit peu lézard, le matin. Oui. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être ensoleillé. Et vous imaginez, vous avez une très très jolie... vision, Denis Béchard, vous dites, j'imagine, là, ils sont pas bien réveillés, un peu dans un demi-sommeil, et lentement, ils se font chauffer par le soleil, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient cette espèce de brocoli métaphysique, c'est comme ça que je pourrais l'appeler, quand j'ai vu l'Amazonie pour la première fois, ils voient la canopée qui s'étend partout, et voilà, ils voient le ciel. Oui, c'est ça. J'essaie d'imaginer leur vie en haut de ces forêts immenses et d'imaginer le soleil qui se lève le matin et toute une famille de bonobos qui regarde le lever du soleil. C'est assez incroyable. D'ailleurs, j'ai lu dans les écritures des scientifiques qui étudiaient les chimpanzés que parfois les chimpanzés rester, regarder le coucher de soleil jusqu'à ce que ça termine. C'est vraiment, il regardait, quasiment avec la même sorte d'appréciation que nous, on aurait, le soleil se coucher. Donc, il y a vraiment une connexion. Alors, il y a aussi, évidemment, quelque chose qui est très important, c'est Thanatos, hein. C'est la mort. Oui. On remarque chez les chimpanzés en particulier que, mais chez les babouins aussi, qu'une mère peut rester plusieurs jours avec son petit mort et ne le quitte pas. Comment ça se passe chez nos copains bonobos? C'est pareil. Ils font des deuils très forts et ça peut même arriver que une chimpanzé ou un bonobo peut mourir de tristesse après la mort d'un de ses proches. Donc, c'est, soumettons, une mère qui a un jeune qui meurt, va peut-être garder le jeune avec elle pendant une semaine après que le jeune est mort, jusqu'à les autres membres de la groupe l'enlèvent. Donc, ils se rapprochent beaucoup à nous, dans leur deuil. Il en reste combien de bonobos? Est-ce que vous avez à peu près le chiffre? On sait pas vraiment parce que les forêts sont grandes et oui. Les bonobos se cachent beaucoup et ils sont très méfiants des êtres humains maintenant parce qu'ils se sont fait chasser, savent qu'on est dangereux, mais oui. On dirait entre 5 et 50 000. Donc c'est vraiment très peu. Il y a plus d'êtres humains nés chaque heure sur la planète qu'il y a de bonobos. Mais on dit qu'il y avait 15 millions, je crois, de chimpanzés il y a 30 ans. Oui, mais le chiffre des chimpanzés a baissé par 90%, je pense, ouais. Depuis un demi-siècle. C'est une baisse très rapide. Alors, dans cette réserve donc où vous trouvez, vous voyez les chimpanzés, là, ça a marché. C'est-à-dire que les gens sont extraordinairement coopératifs. Oui, très. Et les soins attentifs de Sally et de son mari, Michael, font que... ils vivent à peu près bien, non? C'est ça, c'est que il faut faire une distinction entre les parcs et les réserves. Oui. Parce que les Congolais ne voulaient pas des parcs quand Sally est arrivée. Sally voulait juste apprendre, puis il disait, qu'est-ce que vous pensez d'avoir un parc? Les Congolais disent tout de suite, on déteste les parcs, on veut pas de parcs. Parce qu'il faut dire, historiquement, en Afrique, il y a des millions de réfugiés qui ont été rejetés, qui ont été enlevés des parcs. C'était des gens qui vivaient dans les parcs de façon très rurale, qui faisaient la chasse. Et quand ils faisaient des parcs en Afrique, ils chassaient les gens. Et les gens se retrouvaient dans des bidonvilles autour des grandes villes, dont les gens au Congo sont très conscients du fait qu'ils disaient le forêt, c'est notre pharmacie, c'est notre supermarché, c'est notre quincaillerie, on prend tout de la forêt, donc on veut pas perdre nos forêts. Donc BCI faisait des réserves naturelles. Et dans une réserve naturelle, il y a une zone intégrale où on protège tous les animaux. Puis une autre zone où les gens peuvent faire la chasse des animaux non protégés. Mm-hmm. Mais bien sûr pas la chasse des bonobos, des autres ou des okapis, des autres animaux protégés. Et puis une autre zone de développement. Et dans la zone de développement, les gens sont entraînés pour protéger les zones intégrales. Là, on fait la formation des pisteurs, des éco-gardes, des conservateurs. Et ce que BCI a fait, c'est de construire une petite économie où chaque village dans la zone de développement reçoit au moins une personne qui est engagée. Donc cette personne, s'il gagne 50 dollars par mois, ça c'est beaucoup là-bas, c'est partagé avec tous les gens dans le village. Oui. Les gens vont pouvoir acheter des médicaments, des petites choses dans les marchés. Donc ce que BCI a réussi à faire, c'est de construire, de stimuler une petite économie locale. Chaque fois qu'il y avait un scientifique ou des écotouristes qui venaient, BCI achetait la nourriture des villages et ça permettait aux villageois de gagner un peu. Et les gens voyaient qu'il y avait un bénéfice dans la conservation. Ouais. Alors la première chose qu'on peut dire, qu'on peut retenir, puisqu'on va s'acheminer vers notre conclusion de ce beau voyage et puis de la compréhension de ces animaux, on pourrait en parler encore très longuement. C'est en tout cas, là vous soulignez, et ça m'est apparu encore plus important que je pouvais m'en rendre compte, que vraiment les forêts fluviales sont absolument essentielles à l'équilibre climatologique. Ils sont essentiels pour beaucoup de raisons, pour garder l'humidité, pour préserver les fleuves. Si les forêts disparaissent, on va avoir les fleuves qui se dessèchent. Les problèmes s'enchaînent. Il y a des milliers de problèmes qui vont s'enchaîner à partir de là. Et la seule façon de les protéger, c'est d'aider le peuple qui vit dans ces régions de profiter de leurs forêts, de pouvoir gagner leur vie de façon durable de leurs forêts. Et ce que BCI essaie de faire, c'est d'avoir les mêmes... BCI essaie d'avoir les mêmes buts que les peuples dans les forêts pour que les peuples puissent profiter de tous les projets de conservation. Parce que souvent, c'est des projets de conservation qui sont importés par des ONG qui n'ont aucun rapport avec la vie des gens. Oui. Donc, BCI essaie de vraiment écouter. Ce sont des schémas abstraits qu'ils essayent d'appliquer et ils tombent dans le défaut de toutes les règles que vous prescrivez à la fin du livre. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a un petit exemple pour bien comprendre la distinction entre les deux. C'est que, avant d'aller, il y avait beaucoup d'ONG, que j'ai entendu parler de beaucoup d'ONG qui faisaient des puits constamment. On fait 1000 puits par année, on creuse des puits partout. Il y a une fierté de l'efficacité de ces projets de puits. Et c'est certain qu'il y a beaucoup de villages qui ont besoin de puits. Mais je vous donne un exemple. BCI a reçu un don pour construire un puits dans un village sur les réserves. Ils ont demandé aux gens dans la réserve, est-ce que vous voulez un puits? Les hommes ont dit oui, pourquoi pas? Les femmes ont dit, d'accord. BCI s'est dit, les femmes n'ont pas l'air très heureuses. Mais pourtant, c'est les femmes qui partent à la rivière chaque journée. C'est une longue marche. Ça devrait être beaucoup de travail. Donc, ils ont demandé aux femmes, séparément, qu'est-ce que ça changerait dans vos vies d'avoir un puits? Et les femmes ont dit, on serait pris toute la journée avec les hommes. Nous, on va à la rivière, c'est le meilleur moment dans la journée. On voit nos sœurs et nos tantes des villages à côté, nos cousines, nos enfants jouent à la rivière et on parle des hommes. On peut potiner un peu, tandis qu'en village, on est pris avec les hommes. Mais imaginez, des générations où des enfants jouent à la rivière ensemble et ces enfants vont devenir les leaders de leur village. Si jamais il y a un conflit entre les villages, les enfants se connaissent, ils ont joué à la rivière. On fait une génération avec un puits, les enfants se connaissent plus. On peut avoir plus de conflits, on a plus d'aliénation, on a plus de séparation et on a des femmes déprimées. Est-ce que ces gens vont appuyer la conservation s'ils voient que ça nuit à leur tradition? C'est très simple. Et oui, et on voit que c'est subtil en même temps, c'est très simple. Et quand on l'a compris, on voit que c'est extrêmement subtil. Juste pour conclure, d'un dernier mot, une petite image là, que vous conservez d'un bonobo qui était près de vous, qui, juste d'un mot. Quand vous étiez là-bas, il a fait un petit sourire à sa façon, avec ses lèvres rouges. Je dirais que j'avais l'impression qu'il riait de moi parce que j'étais très maladroit dans la forêt. Et puis j'essayais de les suivre et puis c'était difficile. Je me faisais prendre dans les lianes. Et j'avais l'impression qu'il me trouvait assez idiot. Ah, c'est dur hein, d'être, c'est dur hein, d'être un observateur des bonobos. Hein. Ils sont moqueurs. Hein. Ils sont très moqueurs. Ils sont menteurs. Ils sont moqueurs. C'est des malins. Ouais. Mais ils aiment faire l'amour. Bon, allez, gardons cette conclusion. Mille merci. Merci à vous. Denis Béchard, et mille merci pour ce livre, Les des bonobos et des hommes, qui est publié aux éditions Éco-Société, Éco-Société au singulier. C'était Continent Science. Bien sûr, vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. À la technique aujourd'hui, Élise Leu et Jean-Michel Burnou. Pour la documentation, bien sûr, Henri Leblanc. À la réalisation, Denis Journaud, Stéphane Delisgeorge. Continent Science et balado diffusé. Et donc, si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr. Il me reste bien sûr à vous souhaiter un très bel été et à vous remercier si vous nous accompagnez par votre écoute pour cette douce saison. En tout cas, notre retour est prévu pour le 31 août, très exactement. Bel été encore.